Chapitre 106 Confidence pour confidence. Arrivés dans leur nouveau domicile, Totov 76 et Romain font la connaissance de Bogdan, Jean Taras, Oleg et Walter. Ils sont impressionnés par le physique de ceux-ci. Nous avons trois anciens sportifs de haut niveau et un bodybuildé. Excepté le Belge, les deux Français connaissent parfaitement leur ravisseur. Oleg a été un des derniers grands capitaines de la sélection russe de football sous l'ère MIFA. Il a même joué dans la dernière équipe du Paris Saint-Germain. Bogdan a emporté trois médailles d'or lors des défunts Jeux olympiques. Il a même été le préparateur physique de l'équipe nationale de Roumanie de football américain. Jean Taras a fait partie de la dernière nation à avoir battu les All Blacks néo-zélandais avant que le rugby fusionne avec le football américain. Ce fut une énorme surprise lorsque la modeste équipe de Lituanie de rugby avait fait chuter le géant océanien. Walter, quant à lui, est un membre important de la société Labrox. Il est également le numéro 5 de l'organigramme de la eSports Fédération. Ils ne sont pas très méchants et laissent quelques libertés aux deux Français. Ils jouent même avec eux au poker. On ne sent pas vraiment la distance entre les otages et leurs ravisseurs. Le but est de provoquer le syndrome de Stockholm. Les deux Français ne doivent pas haïr les quatre engagés par Labrox. Le séjour doit paraître le plus agréable possible afin qu'ils ne pensent pas à fuir. Des matchs de football en 3 contre 3 sont même organisés. Walter s'est mis avec les deux Français pour affronter l'équipe de l'Europe de l'Est pour une éclatante victoire 7-3 avec un seul but du Belge. Les soirées passent et les EA Games arrivent bientôt. Il ne reste que 4 jours et le danger semble très loin. Mais pendant une fête un peu arrosée, Walter livre des anecdotes quelque peu confidentielles. Tout est calculé pour que la Belgique remporte les EA Games. L'équipementier belge est une filiale de la EA Sports Fédération. Le but est de faire gonfler le chiffre d'affaires par la petite sœur, nommée Trip 82. Trip, comme le nom du fondateur EA, et 82 comme l'année de fondation d'EA, 1982. Trip 82 a la particularité d'être le seul partenaire à faire office d'équipementier et de constructeur automobile. La finale se déroulera entre la Belgique et les États-Unis. Alors, les deux nations seront à égalité de points suite aux médailles. Ils s'affronteront en finale de l'épreuve de football. La Belgique l'emportera 4-3 après avoir été menée 3-0 pendant 70 minutes. Mieux encore, la eSports Fédération veut frapper un grand coup pour ce match. Tout le monde s'est étonné qu'aucun billet pour le dernier match de la compétition ne soit encore ouvert à la vente. Mais c'est normal. La ISF n'ouvrira les portes du IE Isla de Pascua Arena que pour les plus huppés. Telle une œuvre d'art, elle n'aura lieu sous les yeux que de 60 000 personnes qui auront fait chauffer la carte bleue. Le prix sera de 300 000 $ PF pour un billet. De plus, il n'y aura aucune invitation de journaliste. La rencontre sera diffusée en livre écrit sur le site de la Fédération, mais aucune image ne sera diffusée en 2055. Ceux qui auront les moyens seront les seuls à pouvoir se vanter d'avoir vu cette rencontre durant 1 an. L'année écoulée, la vidéo de la rencontre sera enfin publiée sur Internet. Énorme coup de folie pour la eSports Fédération, et surtout, gros risque pour Walter. Presque personne n'était au courant de ceci, et les autorités gardent un œil sur Totov 76 et Romain, mais désormais également sur Oleg, Bogdan, Jean Taras et surtout Walter. Ils rejoignent le cercle très fermé des personnes dans la confidence. Ils n'étaient que 3 à être au courant. Ceci avait été discuté lors du voyage sur Mars pour la finale du Mondial 2050. Les 6 colocataires deviennent aussitôt prisonniers. Chapitre 107 Retour aux affaires. Les 4 ravisseurs deviennent, sans le savoir, pris à leur propre piège. Personne à l'extérieur ne doit être au courant de ces révélations, et il serait trop dangereux de les laisser dans la nature. Discrètement, ils observent l'arrivée d'Ayoub, ancien haltérophile marocain, venu pour les surveiller officieusement. Ce dernier est beaucoup plus froid que ses collègues. Il n'est là que pour avoir un œil sur les 6 prisonniers. Il essaye de tout voir, mais éveille les soupçons auprès des autres. Oleg se rend compte qu'Ayoub détient des informations qu'ils n'ont pas, qu'il discute avec des responsables de la ISF, seul. Il n'y a aucun doute. Oleg, Bogdan, Jean Taras et Walter sont aussi les prisonniers de cette bulle. Un soir, Totov 76 avait quelques soupçons et s'est mis à écouter à la porte des ravisseurs pendant les réunions où Ayoub n'était pas seul. Le maire normand entendit une voix assez familière donnant des ordres aux cinq membres de la e-sports fédération. Entendant un peu plus l'oreille, il se rendit compte que cette voix féminine n'est personne d'autre que sa femme. Celle-ci communiquait toutes les informations qui se passaient sous son toit à la e-sports fédération, et aujourd'hui, elle pilote la détention de son mari. C'en est trop pour lui. Il divulgue cette information à Romain et décide de monter un plan pour quitter cette prison et être dans 2 jours sur l'île de Pâques pour gâcher les EA Games. De retour, les 5 ravisseurs annoncent qu'ils vont faire une petite fête ce soir pour se préparer aux EA Games. Totov 76 et Romain feintent la joie. Ils savent qu'ils vont pouvoir profiter de l'état second des membres de la EA Sports Fédération pour se tirer des informations. Durant cette soirée, Walter est, encore une fois, trop bavard et donne un renseignement assez intéressant. Leur prison est sur l'île de Pâques, enterrée sous l'arène de l'ISF. Cela veut dire qu'une fois qu'ils auront quitté ce lieu, ils n'auront pas à voyager pour rejoindre la fête. Ayoub sent que son collègue devient trop bavard et lui demande de se taire. À la fin de la soirée, tout le monde est parti au lit. C'est le bon moment pour essayer de s'échapper. On entre dans la dernière nuit avant les festivités. Il faudra s'échapper quelques heures avant l'ouverture des cérémonies afin que la e-sports fédération n'ait pas le temps de les retrouver. Ils ont donc un peu moins de 24 heures pour trouver l'échappatoire. Surtout qu'au-dessus de leur tête, ils se trament un spectacle géant. Une cérémonie que Totov 76 et Romain vont se faire un malin plaisir d'engloutir. La sortie est localisée par Romain et tout sera un jeu d'enfant pour quitter les lieux. Il faudra juste échapper à la surveillance vers 16 heures afin de faire l'intervention 20 minutes plus tard en pleine entrée des représentants français. Nous sommes le 12 janvier 2055 et c'est le grand jour. Tout est prêt pour que la plus grande compétition de l'histoire du sport débute. Américains, Français, Belges, Indiens, Japonais, Chinois, Allemands, Italiens, Brésiliens et Africains sont déjà sur le territoire pascuant. Il est 15h30, la diffusion de la cérémonie peut débuter, commentée en direct par un hologramme de Nelson Mandela. Dans la prison, les 6 colocataires sont installés devant le petit écran pour le début de cette grande aventure. Les 2 Français n'ont plus que 30 minutes pour réfléchir au plan et se préparer. Le stress monte. Chapitre 108 Événement universel. Il est 15h55. L'évasion est prévue dans 5 minutes. À la télévision, c'est parti pour une page de publicité. C'est le bon moment pour aller chercher des boissons. Dans pas moins de 10 minutes, la cérémonie va commencer avec l'entrée des capitaines. Pendant que les ravisseurs partent en cuisine, Romain se charge de créer une panne sur l'écran plasma 3D et avertit ses nouveaux amis. Ceux-ci arrivent en courant, la menace plane. Ils vont peut-être louper la cérémonie d'une compétition historique. Un événement aussi important que le premier pas sur la Lune, il y a 86 ans. Pendant que l'écran est retourné dans tous les sens, Totov 76 et Romain en profitent pour rejoindre la sortie. C'est l'indifférence totale du côté des kidnappeurs. Ils ne veulent qu'une chose, la télévision, cet appareil si ancien mais si précieux. Une fois l'image revenue, ils se rendent compte que les 2 Français ont pris la poudre d'escampette. Il faut se dévouer pour quitter le grand écran afin de poursuivre les fuyards. Personne ne veut manquer la cérémonie. Sont-ils au courant que si les Français atteignent leur but, il n'y aura pas de cérémonie? Pendant que Romain et Totov essayent de rejoindre l'arène, ça s'agite pendant la cérémonie. L'hymne officiel retentit, on revoit les plus belles images de l'histoire du sport, et un décompte de 10 commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, EA Games 2055. Le logo de la compétition s'affiche. C'est énorme. La planète entière regarde cette fête. Cela dépasse même la Terre, puisque sur Mars, la EA Dome von Braun voit cette cérémonie en représentation holographique. C'est sublime. Les 10 capitaines entrent en scène, micro en main. Ils ont chacun un bâton de couleur différente. Ils plantent ceci au centre du terrain et immédiatement, les couleurs se rejoignent pour donner naissance à un arbre multicolore, le nouvel emblème de cette compétition. tous unis pour le sport. Tout est beau si nous ne connaissions pas les dessous. Chaque capitaine inscrit le mot « respect » dans leur langue sur le tronc. À chaque inscription, un faisceau lumineux part du stade et rejoint le dôme martien. La eSport Fédération n'a pas fait semblant. Avant que le capitaine reprenne le chemin des coulisses, il leur est demandé de participer à une épreuve surprise. Chacun va être muni d'un like/TT shoes et participeront à une course sur 800 mètres. Plus les supporters de leur pays parlent des EA Games sur les réseaux sociaux, plus ils iront vite. Leur classement d'arrivée donnera leur place dans les chapeaux pour les futurs tirages au sort de la compétition. À ce petit jeu, les Américains ont explosé leurs adversaires. La France arrive 3e, juste derrière l'Inde. La Chine est 4e, suivie du Japon, de l'Allemagne, l'Italie et le Brésil. La Belgique et l'Afrique ferment la marche. La popularité belge est au plus bas. L'objectif est de la faire gagner pour devenir la nation la plus aimée. Pendant ce temps, Totov 76 et Romain arrivent à s'introduire dans la cabine de Nelson Mandela. Dans 3 minutes, ils devraient emprunter la parole du mythique chef d'État africain pour mettre fin à toutes ces festivités. Un si beau spectacle va être gâché par les révélations des 2 Français. C'est à ce moment que la France présente ses athlètes. Totov 76 prend le micro et s'apprête à faire passer son message avec la voix de Nelson Mandela, mais il est soudainement sonné. Chapitre 109, fin de la fête. Alors qu'il commençait à prendre la parole, Totov 76 est sonné, mais pas KO. Que s'est-il passé? C'est Romain qui s'est mis à frapper son confrère. Pourquoi a-t-il fait cela? Il lui explique qu'il est aussi dans le coup. La eSports Fédération était au courant des soupçons du Normand et savait qu'il allait être présent dans les tribunes luxembourgeoises. Romain était missionné par la eSports Fédération pour faire planter les objectifs de Totov 76. Avec la collaboration de son épouse, il devait tout faire pour le faire taire. Quand une nouvelle information arrivait, tout était transmis aux autorités. Ils savaient tout ce qu'il faisait, où étaient les plans. C'est également pour cela que le kidnapping n'a pas été violent. Ils n'allaient pas affaiblir leurs collègues. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas poursuivis. C'est désormais terminé pour Totov 76. Romain va s'occuper de le faire taire. Mais Totov 76 essaye de discuter avec lui. Il lui demande si c'est ce genre de sport qu'il aime. Lui qui a tout fait pour devenir professionnel. Lui qui avait tout donné pour rejoindre Mars en 2050. Sa place a été subtilisée par des tricheurs qui salissent son sport. Comment peut-il vibrer sur un terrain quand il sait tout ce qu'il se passe en coulisses? Totov 76 lui demande de le laisser dévoiler la vérité et démasquer le géant du sport mondial. Le public ne peut plus vivre dans un tel mensonge. C'est le sport, c'est le baron de Coubertin, ce sont des milliards de sportifs qui sont trompés. Le sport, ce n'est pas un spectacle organisé par les dollars PF. Le sport, c'est s'amuser, le sport, c'est vibrer, le sport, c'est stresser, le sport, c'est beau, tout simplement. Ces paroles font réfléchir Romain, qui décide de laisser Totov 76 s'exprimer. Les Français ont déjà été présentés au public, et c'est donc au tour des Belges d'entrer en scène. Mais le discours de Nelson Mandela est totalement différent de ce qui était prévu. Tout le monde s'arrête et écoute les paroles du commentateur. L'homme qui a disparu il y a 42 ans dit que le sport est avant tout une fête, une passion. Mais un certain organisme nommé 166 se plaît à truquer chaque rencontre. Totov Mandela énumère toutes ses preuves et choque le public. Il est impossible de le faire taire. Des hommes de main essayent de rejoindre la cabine de commentateur, mais sont barrés par Romain. La fête s'arrête soudainement au son des révélations. Le sport est devenu une vaste escroquerie, manipulée par les autorités. Le monde du sport s'est arrêté de tourner. Un écran géant diffusait en direct les messages des réseaux sociaux concernant les EA Games. Depuis quelques secondes, plus aucune réaction. Est-ce la fin? Mais un message fait réagir le public. Il est affiché. Qui n'a jamais regardé du catch en sachant que tout était calculé avant? Le principal est de se divertir. En regardant du sport, vous en prenez plein les yeux. Truqué ou pas, le sport est devenu divertissant. Pour cela, les EA Games vont nous faire vibrer. Hashtag EA Games 2055. La vie est partagée dans la EA Arena. Le public se met à chanter We Love Sport. Toto 76 ne sait plus quoi dire. Malgré la supercherie ambulante, le public soutient la e-sports fédération et veut continuer ainsi. Romain lui répond que toutes ces personnes dans le public ont été formatées pour se divertir. Peu importe si certains font semblant de perdre, ils s'amusent et ont grandi avec cette idée. Le sport n'est plus le même qu'avant, il faut se rendre à l'évidence. Les amoureux du sport en 2055 veulent des strass et des paillettes, et non du sport. Ils sont comme au cinéma, à attendre le prochain rebondissement. La e-sports fédération a gagné, et fait du sport entertainment, et le public aime ça. Chapitre 110, une chance pour tous. 3 janvier 2056. Il y a un peu moins d'un an, les EA Games commençaient. La fête fut énorme et nous avons eu le droit à un grand événement. Sans surprise, la Belgique a gagné le précieux sésame, comme prévu, en battant les États-Unis. Le football et le sport en général ont perdu quelques supporters. Mais la majorité d'entre eux a décidé d'accepter que tout était manipulé. Malgré cela, la EA Sports Fédération a convenu d'organiser le Mondial 2056, le 6e de leur ère. Pour la première fois, 316 nations et micro-États ont été invités à participer aux éliminatoires. Parmi eux, 12 rejoindront l'Inde, le Japon, la Chine et le pays tenant du titre, la France, pour la 33e Coupe du monde de l'histoire. De l'Abkhazie à l'État de Zulia, en passant par la Moravie, ils avaient tous une chance d'aller défier les grands. Justement, plusieurs surprises ont eu lieu. Les îles Canaries, par exemple, ont failli être les représentants africains. Le Québec est toujours en lice en Amérique, alors que le territoire de Wake essaiera d'être le grand gagnant des barrages intercontinentaux. Les deux qualifiés européens sont l'Allemagne et l'Espagne. Les élus américains sont l'Argentine et les États-Unis. Le représentant africain sera la Zambie, l'Asiatique et la Malaisie, alors que le porte-drapeau océanien sera l'Australie. Les 4 barragistes sont Wake, comme vu précédemment, le Québec, le Pakistan et la Suisse. Cette dernière est menée par un finaliste du Mondial 2050, Killer Crush 23.